إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui donc le cours numéro 36 dans l'explication de la aqidah d'Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, le livre de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen. Et on est en train d'expliquer la parole du Cheikh lorsqu'il dit « وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ عَلِيٌّ عَلَى خَلْقِهِ بِذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ » C'est-à-dire que nous croyons que Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal, il est élevé au-dessus de sa création par son être et par ses attributs. Dans son être et par son être et dans ses attributs, et c'est basé sur la parole d'Allah dans le verset 255 dans surat al-Baqarah. Le verset, c'est Ayatul Kursi, wa huwa al-aliyyul azim. Le verset termine par ces deux noms parmi les noms d'Allah, c'est-à-dire il est le très haut, al-aliyyu, ça veut dire celui qui est très élevé, et Al-Azim, celui qui est très grand. Allah subhanahu wa ta'ala est le très haut, très élevé et le très grand. On a expliqué au dernier cours que Allah subhanahu wa ta'ala, il est élevé, il est très haut par son être, parce que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toutes ses créatures et au-dessus de toute sa création, et qu'il est également le très haut dans ses attributs, dans le sens qu'il est ses attributs sont des attributs de perfection, de grandeur et de hauteur, et toutes ces attributs sont parfaites et élevées. Donc on a expliqué que parmi les gens de Bid'ah, ils sont tous d'accord que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le plus élevé et que ses attributs sont les plus hautes. Ses attributs sont les attributs de perfection et les attributs les plus hautes. Mais en ce qui concerne le fait qu'Allah est élevé par son être, qu'il est au-dessus de toutes ces créatures par sa personne, ça, il rejette, il refuse de l'affirmer. Et on a mentionné des points à ce sujet-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va résumer qu'est-ce qu'on disait à la fin du dernier cours, puis on va continuer avec les explications de Cheikh Ibn Uthaymeen, Inch'Allah. Rahimahullah ta'ala. Le Cheikh dit, « فَالْخُلَاصَةُ أَنَّ أَهْلُ الزَّيْرِ أن أهل الزير في علو الله بذاته انقسموا إلى ثلاثة أقسام، وهي أولا أهل السنة والعقيدة يقولون إن الله فوق السماء بذاته بائن من خلقه، وقسم يقول إن الله في كل مكان، وقسم يقول إن الله لا متصل ولا منفصل، يعني لا يوصف الله بعلو ولا نزول ولا شيء، وهذا أقسام الناس في Al-Ulu-Dhati. Donc le Cheikh explique que, pour résumer tout ce qu'on a dit au dernier cours, les gens de déviation, ils se sont divisés au sujet du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création par sa personne et par son être, et ils se sont divisés par rapport aux gens de la vérité sur cette question-là. Donc on peut résumer les positions qui existent sur cette question-là en trois. La première catégorie, ou la première position, c'est la position des gens de la sunna. La position des gens de la sunna, et leur position c'est que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de sa création par son être, séparé de sa création. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout et il est séparé de sa création, il n'est pas mélangé à sa création. Ça c'est la première position, c'est la position de Ahlus Sunnati wal Jama'a, c'est la aqida des salaf. Et il y a une autre catégorie parmi les gens de bid'a qui ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala est partout. Et ça on retrouve cette position parmi les chez les Jahmiyyah, hein. Eux ils disent Allah est partout, et tu vois aussi chez les soufis, il y en a qui ont cette croyance là, la croyance que Allah est dans toutes choses et qu'il est mélangé avec sa création et qu'il est partout. Et ça c'est une aqida de shirk et de kufr. Et on a mentionné même que à la base même de plusieurs des religions d'égarement dans le monde, comme les hindous et les bouddhistes, la base de leur idolâtrie c'est cette croyance là c'est-à-dire que eux quand ils prient à une statue ou à une idole, eh bien en réalité ils vont dire nous on prie pas l'idole elle-même, mais on prie Dieu qui est présent à l'intérieur de cette idole et qui se manifeste par cette idole-là. Donc on utilise cette idole comme un point de concentration ou central pour adresser nos prières à cette idole-là. Mais en réalité, on sait très bien que cette idole-là, elle n'a aucun pouvoir, elle n'a rien créé. Mais on sait très bien qu'elle ne peut rien faire, mais c'est juste une représentation. Hein? Et on sait que Dieu est présent en tout, donc on se concentre sur ça, puis on prie Dieu à travers cette chose-là. D'accord? Et c'est ça leur argument, c'est ça leur logique, mais c'est bien entendu une logique qui est totalement fausse et qui est en contradiction avec la da'wah de tous les messagers et de tous les prophètes, puisque les messagers et les prophètes ont toujours interdit à l'humanité d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala à travers sa création ou de passer par des intermédiaires ou des intercesseurs pour adorer Allah. Hein? Puisque le tawhid consiste à adorer Allah seul et à ne vouer notre adoration qu'à Allah, hein? De ne pas passer par quiconque ou quoi que ce soit pour aller à Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Donc ça c'est une position d'égarement parmi les positions. La deuxième position c'est ceux qui disent Allah est partout, hein? Et ça c'est une position d'égarement aussi. On a dit c'est les Jahmiyyah. On les retrouve, on retrouve cette position-là chez eux, puis on retrouve aussi la position, cette idée-là ou cette croyance-là chez yani les soufis, parmi les différentes sectes soufis, ils ont cette croyance. Il y a une autre catégorie parmi les Jahmiyyah et aussi parmi les gens de Kalam, ça c'est la troisième position ou la troisième catégorie de gens qui ont dévié sur cette question-là. C'est ceux qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala, on peut pas dire qu'il est à l'intérieur, ni à l'extérieur, ni rattaché à sa création, ni séparé de sa création, ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche, ni en avant, ni en arrière. Hein? Donc eux c'est des négations seulement. Ils ne font que des négations. Et les ulama, comme on l'a mentionné. Hein, on a cité ça au dernier cours. On dit si tu voulais décrire quelque chose, si je te disais par exemple, décris-moi le néant, hein, décris-moi le néant, tu ne pouvais pas trouver une description plus complète du néant que cette description-là. En réalité, ça veut dire, selon eux, que Dieu n'existe pas. Et en fait, quand tu vois par exemple les deux positions de ces groupes extrêmes, ceux qui disent que Allah est partout. Et ceux qui disent que Allah est nulle part. Donc ces deux positions extrêmes, mais à la fin, elles s'égalent. Pourquoi? Parce que ceux qui disent qu'il est nulle part, c'est comme s'il nie son existence. Et ceux qui disent qu'il est partout, eh bien c'est comme s'il nie son existence distincte aussi, puisqu'ils ne voient pas de différence entre le créateur et la créature. Donc pour eux, il n'y a pas de distinction réelle entre Dieu, entre ce qui est Dieu et ce qui ne l'est pas, ce qui est Allah et ce qui n'est pas Allah. Puisque pour eux, tout est Allah. Hein? Donc ça, dans les deux cas, c'est du kufr et du shirk. Hein? Et ils rentrent tous dans la négation. Allahul Musta'an. Tafaddal, vas-y. Ok. Al-Jahmiyyah, c'est une secte parmi les sectes d'égarement qui est apparue dans les premiers siècles. qui a été inspiré par les philosophes, hein, les philosophies grecques. Et eux, ces philosophes-là, hein, ces gens-là, ils ont essayé d'interpréter le Coran et la Sunna à la lumière de ces philosophies-là. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit tout ce qu'on trouve dans le Coran et dans les hadiths qui mentionnent des attributs d'Allah, qui mentionnent des noms d'Allah, mais nous, on considère pas que ces attributs-là ou que ces noms-là sont réels. Nous, ils considèrent, eux, ils disent non, ça marche pas avec nos principes et nos règles rationnelles. Donc nous, on considère que ces noms et ces attributs sont des choses symboliques seulement. D'accord ? Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il est, par exemple, au-dessus de son trône, qu'il est au-dessus de sa création, qu'il parle, qu'il voit tout, qu'il entend tout, qu'il sait tout, eux, ils disent, tout ça, c'est des choses symboliques. C'est pas réel, hein. Et donc, c'est pour cette raison-là que par la suite, ils vont même dire, Allah est partout. Ou bien ils vont dire, il est nulle part, hein. Il est pas en haut, il est pas en bas, il est pas en avant, il est pas en arrière, il est pas à l'intérieur, il est pas à l'extérieur, il est pas attaché au monde, il est pas séparé du monde. Donc, il est où, hein? Allah al-musta'an. Donc pour eux c'est ça, il n'est nulle part. Et le cheikh il dit ensuite: وَأَمَّا الْعُلُوُ الْمَعْنَوِي فَهُوَ عُلُوُ الصِّفَاتِ فَإِنَّهُمْ مُتْبِقُونَ عَلَيْهِ مَا عَدَى الْمُمَثِّلَ الَّذِينَ يُمَثِّلُونَ اللَّهَ بِخَلْقِهِ فَإِنَّهُمْ قَدْ انْتَقَصُوا صِفَاتِ الْخَالِقِ وَنَرَى أَنَّهُمْ كُفَّارٌ لأن كل إنسان يقول إن الله مثل الخلق فهو مكذب لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو تكذيب القرآن كفر وتكذيب القرآن كفر. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de façon en parlant de ses attributs et en parlant de la signification de ses attributs, en disant qu'elles sont élevées et qu'elles sont parfaites, tous les groupes sont d'accord là-dessus. Les gens de la Sunna et même les gens qui sont en dehors de la Sunna, ils sont tous d'accord pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait et tous ses attributs sont élevés. Excepté les mumathila. Et les mumathila, ce sont ceux qui comparent Dieu à sa création, qui comparent Allah subhanahu wa ta'ala à sa création. Ils disent, les attributs d'Allah sont comme les attributs des créatures. Et ceux-là, le cheikh il dit, ceux-là sont en réalité des kuffars. Parce qu'ils ont, ils ont diminué et rabaissé les attributs divins en les comparant à des attributs humains ou des attributs animaux ou des attributs des créatures. Hein? Et donc, celui qui dit Allah est comme les créatures, alors il a démenti la parole d'Allah qui dit que rien ne lui ressemble, que rien n'est comparable à lui. Et celui qui démentit le Coran a commis un acte de kufr. Hein. Ensuite, il continue à expliquer d'autres points à ce sujet-là. Il dit: فَالْمَعْرَكَةُ دَائِرَةٌ بَيْنَ أَهْلِ التَّعْطِيلِ وَأَهْلِ السُّنَّةِ الَّذِينَ يقودهم الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح وهو العلو بذاته. هل الله عال بذاته؟ هل الله علي بذاته أم لا؟ نقول إن الله علي بذاته جل وعلا، وقد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، فأنواع الأدلة كلها دلت على علو الله بذاته. Donc le cheikh il dit, donc il y a cette bataille, ce combat qui continue entre les gens de la négation des attributs, ceux qui nient les attributs d'Allah, et les gens de la sunna qui sont dirigés et qui ont à leur tête, hein, les gens de la sunna, ils ont à leur tête le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et as-salaf as-salih, c'est-à-dire les sahaba et les tabi'in, les élèves des sahaba, et les tabi'in, les élèves des élèves des sahaba. Et donc, si on dit, est-ce que Allah est élevé par son être? Est-ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, par sa personne et par son être, est au-dessus de tout ou non? Et le cheikh, il dit, et nous disons à ce sujet, que Allah, subhanahu wa ta'ala, est élevé au-dessus de sa création par sa personne, et ça c'est prouvé par le Coran, par la Sunna, par le consensus des salafs, et par la raison et par la fitra. Hein? Toutes ces choses-là sont réunies et c'est établi donc que hein, Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, au-dessus de toutes choses. Et donc toutes ces catégories de preuves sont réunies à ce sujet-là. Même que l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il mentionne qu'il y a plus que 1000 preuves à ce sujet. Hein? Dans As-Sawa'iq al-Mursala, dans son livre As-Sawa'iq al-Mursala. Donc il dit Amma al-Kitab, donc il va mentionner les preuves de chaque catégorie de preuves. Premièrement, les preuves du Coran. Et ça, il y en a plein hein, de preuves à ce sujet-là dans le Coran. Il dit فَأَنْوَعُ الْأَدِلَّةِ كُلُّهَا دَلَّتْ عَلَى عُلُوِّ اللَّهِ بِذَاتِهِ أَمَّا الْكِتَابُ فَمَا أَكْثَرَ مَا يَتَّصِفُ اللَّهُ نَفْسَهُ بِأَنَّهُ الْعَلِيُّ وَأَنَّهُ الْأَعْلَى وَأَنَّهُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَأَنَّ الْأَشْيَاءَ تَنْزِلُ مِنْ عِنْدِهِ وَتَصْعُدُ إِلَيْهِ وَتُرْفَعُ إِلَيْهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَهَذَا يَدُلُّ دِلَالَةً قَاطِعَةً عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَالٍ بِذَاتِهِ. Donc en ce qui concerne les preuves de la Sunna, les preuves du Coran, eh bien, il y a de nombreuses preuves qui mentionnent le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il s'est décrit lui-même comme étant Al-Ali, hein, celui qui est au-dessus de, qui est élevé, qui est au-dessus de toute chose. Également, un autre de ses noms, Al-A'la, Al-Aliyu, celui qui est le très haut, Al-A'la, celui qui est le plus haut, hein, le plus élevé. Et aussi, il y a d'autres versets qui mentionnent qu'il est au-dessus de ses serviteurs. Par exemple, le verset dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. C'est-à-dire, c'est lui qui est le contraignant au-dessus hein, de ses serviteurs. Hein? Ou bien le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il parle des anges, il dit yakhafuna rabbahum min fawqihim. Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux. Hein? Donc ça, tout ça, c'est des versets qui mentionnent le fait que Allah est au-dessus, hein? Naam. Subhanahu wa ta'ala. C'est dans le même sens. Wa ta'ala, ça veut dire qu'il soit élevé, qu'il soit exalté. Qu'il soit. Subhanahu, qu'il soit purifié et glorifié, qu'il soit exalté. Ta'ala. Hein? Comme par exemple quand tu dis Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira, que Allah soit élevé au-dessus de ce qu'il disent à son sujet, d'une élévation, hein, d'une grande élévation, en voulant dire qu'il soit purifié et éloigné de ce genre de choses qui ne lui sont pas attribuables, qui ne sont pas qu'on peut pas dire à son sujet. Non. Allahu A'la, oui. Ça se dit, oui. Parce que Allah, il est Al-A'la. C'est un de ses noms. Hu Al-A'la. Sabbih isma rabbika Al-A'la. Hein? Sabbih isma rabbika Al-A'la. Ça fait partie de ses 99 noms. Al-Ali, ça fait partie de ses noms. Al-A'la, ça fait partie de ses noms aussi. Et quand on dit qu'il est le très haut et le plus haut, Al-A'la, ça veut dire le plus haut. D'accord? Al-Ali, c'est celui qui est haut, qui est élevé, hein? Le très haut. Et Al-A'la, le plus haut. Naam. C'est ism tafdil. Ism tafdil, c'est-à-dire, comment je pourrais dire, qawi. Hein? Qawi, ça veut dire fort. Aqwa, ça veut dire plus fort. Kabir, ça veut dire grand. Akbar, ça veut dire plus grand. Ali, ça veut dire haut. A'la, ça veut dire plus haut. Tu comprends? C'est la forme superlative. Hein? Et donc, il dit wa annahu fawqa ibadihi. Donc, Allah est au-dessus de ses créatures. Il mentionne également le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, les anges descendent hein, de chez lui, et que Allah fait descendre la révélation, et les anges descendent de chez Allah vers les créatures, vers la terre. Donc ça veut dire que c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il est au-dessus, il est élevé, hein. Et par exemple également la mention que les choses s'élèvent vers lui, les anges s'élèvent vers lui, hein. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Hein? Donc c'est vers lui que montent les bonnes œuvres et les paroles, les bonnes paroles sont élevées vers lui. Hein? La même chose à propos de Isa. بل رفعه الله إليه. Allah l'a fait hein, monter vers lui. Il l'a élevé vers lui. Hein? Donc c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus. Hein? Également, il y a plein d'autres versets comme ça à ce sujet, et il y a aussi une preuve que les ulama ils mentionnent souvent dans Al-Isra wa Al-Mi'raj. Al-Isra wa Al-Mi'raj, la nuit du voyage nocturne et de l'ascension. Allah subhanahu wa ta'ala a fait monter le prophète sallallahu alayhi wa sallam au-dessus des sept cieux jusqu'à Sidrat al-Muntaha. Hein? Il a entendu les plumes des anges. Même Jibril, à cet endroit-là, il a dit « Moi, je ne peux plus te suivre à partir d'ici. Hein? » Et il est monté tout seul vers Allah. Hein? Donc, c'est pour dire que Allah, subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de toute sa création. Et donc, tout ça, c'est des preuves qui sont tranchantes et qui sont irréfutables que Allah, subhanahu wa ta'ala, est par son être au-dessus de sa création. Les plumes des anges qui écrivent. Hein? Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il a des anges qui écrivent la destinée des créatures. Na'am. Et c'est Allah qui leur ordonne d'écrire ces choses-là. Na'am. Oui, il y a des anges auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, les anges qui sont rapprochés d'Allah, puis il y a des anges partout dans les différents cieux. Non, la base de la création des anges, c'est une création de lumière. Après, le shaykh dit wa amma as-sunnah faqad ittafaqat bi jami'i anwa' ad-dilalat على علو الله بذاته القولية والفعلية والإقرارية. Donc le cheikh il dit que en ce qui concerne les preuves de la sunna, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création par son être et par sa personne, eh bien toutes les différentes catégories de la sunna sont toutes d'accord et toutes réunies pour établir que Allah est au-dessus de sa création par sa personne. Les preuves de la sunna verbal, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle, explique quelque chose, les preuves de la sunna dans les actes, les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les preuves de la sunna dans son approbation, les choses qu'il a approuvées par son silence, les choses qu'il a acceptées par son silence. Donc, parce que ça, c'est les différentes catégories de sunna. La sunna de la parole, la sunna verbale, la sunna des actions, et la sunna des approbations, les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a acceptées sans nécessairement le dire, parce que c'est quelque chose qui est connu dans la sunna, que si quelque chose se faisait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'approuvait, il ne critiquait pas ou ne condamnait pas, alors ça veut dire que c'est permis. D'accord? Donc il va donner les trois catégories à ce sujet. Al-Qawliya ou Al-Fi'liya et Al-Iqrariya. On va mentionner les trois. En ce qui concerne Al-Qawliya, il dit « Wa amma Al-Qawliya fa inna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam kana yaqulu fi sujoudihi subhana rabbi al-a'la. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les preuves de la sunna verbale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait le sujoud, faisait la prosternation dans la salat, il dit Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la. Hein? Donc ça veut dire gloire à mon Seigneur le très haut, le plus haut. Donc gloire à mon Seigneur le plus haut. Gloire à mon Seigneur le plus haut. Il le disait soit trois fois minimum ou plus. Hein? Le minimum, trois fois ou plus. Et c'est rapporté par l'imam muslim selon Hudhayfa, radiyallahu anhu. Donc ça c'est une preuve que Allah il est le plus haut et qu'il est au-dessus de sa création. Également il dit wa wajhu ad-dilalati annahu وصف الله تعالى بأنه الأعلى حين كان الإنسان الساجد هو الأسفل فأعلى شيء في الإنسان هو الرأس الذي منه الجبهة يضعها الساجد على الأرض مزاويا لقدميه ففي هذه الحال التي وضع الإنسان نفسه في أسفل شيء يتذكر الرب الأعلى الذي هو فوق كل شيء والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. Donc le cheikh il dit la preuve dans cette parole du prophète صلى الله عليه وسلم c'est dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est décrit par le prophète صلى الله عليه وسلم comme étant الأعلى, le plus haut. Dans le moment dans lequel l'être humain est prosterné et dans lequel il est le plus bas, parce que la chose la plus haute dans l'homme c'est sa tête, hein, c'est ça qui est en haut, et son front, et il le met sur le sol à égalité avec ses pieds quand il se prosterne. Et dans cet état là dans lequel l'être humain met son visage au niveau le plus bas, il se rappelle son Seigneur qui est le plus haut, hein, et qui est au-dessus de toute chose. Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il disait alors qu'il était prosterné Subhan Rabbi al-A'la, hein, gloire à mon Seigneur le très haut. Donc ça c'est en ce qui concerne les preuves dans la parole. Et il y a d'autres preuves que celle-là, mais le cheikh il a mentionné celle-là comme preuve. Il dit wa amma al-fi'liya, en ce qui concerne les actes, les preuves dans les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فإنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس في يوم في يوم عرفة فقال ألا هل بلغت قالوا نعم قال ألا هل بلغت قالوا نعم قال هل ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد اللهم اشهد يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد فزيكم سأل القرآن صلى الله عليه وسلم. Donc il dit اللهم اشهد يعني عليهم فيشير إلى الله وهذه سنة فعلية تدل على أن الله تعالى فوق كل شيء. Donc le cheikh il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses actions, et preuve de ses actions, c'est que il faisait le discours, il s'adressait aux gens le jour de Arafah, lorsqu'il a fait le dernier sermon d'adieu, lors du dernier hajj, le hajj qu'il a fait. Et le jour de Eid, hein, il a fait le sermon. Il a dit aux sahaba, est-ce que j'ai transmis le message de mon Seigneur? Est-ce que j'ai transmis? Il a posé la question, ils ont dit oui. Est-ce que j'ai transmis? Ils ont dit oui. Est-ce que j'ai transmis? Ils ont dit oui. Alors, il a pointé vers le ciel avec son doigt, vers Allah subhanahu wa ta'ala, et il a dit, oh Allah, sois témoin sur eux. Oh Allah, sois témoin sur eux. Oh Allah, sois témoin sur eux. Donc c'est pour dire, il pointe son doigt vers le ciel, et il le baisse vers eux, hein, en disant, oh Allah, sois témoin. C'est comme pour dire, sois témoin sur eux. Et il indique avec son doigt le ciel. C'est pour dire Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une preuve dans les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prouve, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout et au-dessus de sa création. Et la preuve, il pointe vers le ciel. Hein? Subhanallah. Il dit, fa'in qala mubtadi'un. هذا يراد به علو الصفة وليس علو الذات ولا دليل عندكم على تعيينه أنه علو الذات. وأيضا لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هل هي إشارة توحيد أم إشارة جهة؟ لأن الإشارة تقتضي رؤية المشير إلى المشار إليه، ولم يرى الله في ذلك الوقت، فكيف يشير إليه؟ فالجواب: أما الأول فنقول: من قال لكم إن المراد علو الصفة؟ فقوله سبحان ربي الأعلى مطلق، ويناسب نزول الإنسان الحسي العلو الحسي. وأما إشارة التوحيد فهل قال لا إله إلا الله حتى يوحد؟ بل قال اللهم اشهد. أما كون المشار إليه لا يشار إليه إلا إذا رؤي فهذا غير صحيح، فالله تعالى يشير للقرآن بذلك كثيرا، ويشير لجزاء المؤمنين بذلك كثيرا، ويشير إلى أشياء كثيرة وإنما تفهم وهي لا ترى. Donc le cheikh il dit ici, un innovateur qui disait par exemple que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il pointait vers le ciel, il n'indiquait pas le fait que Allah est élevé par son être, mais plutôt que Allah est élevé dans ses attributs. Et ils disent, donc ces innovateurs, ils disent, vous n'avez pas de preuve pour désigner qu'il est élevé par son être. Et ils disent aussi que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam pointait avec son doigt vers le ciel, c'est pour indiquer l'unicité d'Allah et non pas pour indiquer une direction, parce qu'ils disent que l'indication en général, quand on pointe vers quelque chose, c'est quelque chose qui est visible, et ici on n'a pas vu Allah, donc il n'y a rien qui indique ici pour, selon eux, que cette indication là c'était pour indiquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh répond à ça en disant: en ce qui concerne la première objection que vous avez mentionnée, c'est que il dit, nous disons à cela, hein, quand ils ont dit que il n'y a pas de preuve que c'est le fait que Allah est élevé par son être, hein, mais que c'est uniquement qu'il est élevé dans ses attributs, eh bien nous on dit: qui vous a dit que la signification c'était qu'il est élevé dans ses attributs? Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Subhan Rabbi al-A'la, hein, gloire à mon Seigneur le plus haut, ça c'est général, hein, et c'est clair qu'il parle d'Allah subhanahu wa ta'ala comme étant le plus haut. Et ça correspond justement à la descente de l'homme quand il est réellement rabaissé. Hein? Quand il est réellement rabaissé, donc Allah subhanahu wa ta'ala, lui, quand on dit qu'il est élevé, alors ça implique qu'il est réellement au-dessus de sa création. En ce qui concerne ce que vous avez mentionné sur le fait que lorsqu'il a pointé vers le ciel, c'est uniquement pour indiquer le tawhid, alors dans ce cas-là, est-ce qu'il a dit à ce moment-là, la ilaha illallah, pour qu'on prenne cela dans le sens de l'unicité, hein? Quand il a pointé vers le ciel, il n'a pas dit la ilaha illallah, il a dit Allahumma shahad, hein? Ou Allah soit témoin. Donc ça c'est la preuve que quand il indique ici vers le ciel, c'est réellement pour indiquer Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Et en ce qui concerne le fait que lorsqu'on pointe vers quelque chose, il faut que ce soit visible, Cheikh il dit ça c'est pas vrai. Il dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il nous indique plein de choses qu'on n'a jamais vues. Il nous indique la récompense pour les croyants dans le paradis, il nous indique beaucoup d'autres choses qu'on n'a jamais vues, et pourtant on comprend, hein, les indications qui nous sont mentionnées dans ces versets là. Après le cheikh il dit: وأما الإقرارية فإن جارية معاوية ابن حكم معاوية ابن الحكم سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة، فأقرها على قولها في السماء وقال اعتقها فإنها مؤمنة. وهذه سنة إقرارية. La preuve des approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lorsque l'esclave et un des compagnons qui s'appelle Muawiya ibn al-Hakam, et il avait une esclave et il l'avait giflée, il l'a frappée au visage. Alors il a eu des remords, il a compris qu'il avait mal agi, il n'avait pas le droit de frapper son esclave au visage de cette façon. Alors il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander est-ce que je dois la libérer, cette esclave, à cause de ce que j'ai fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a posé des questions pour voir est-ce qu'elle est croyante. Alors la première question que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posée, c'est quoi? Aina Allah, où est Allah? Aina, en arabe ça veut dire où, hein? Donc il lui a dit, où est Allah? Aina Allah. Et elle a répondu, fis sama, hein, dans les cieux. Et en arabe, dans les cieux, quand on dit fis sama, ça veut dire en haut, hein, au-dessus. C'est ça que ça veut dire, fis sama. Et il a dit, i'tiqha fa innaha mu'mina. C'est-à-dire, il a dit, libère-la, car c'est une croyante. Et ça, c'est une approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam de sa parole, quand il a répondu, fis sama. Et il lui a dit, libère-la car c'est une croyante. Et donc ça fait partie de la sunna. Et c'est un hadith qui est authentique, rapporté par l'imam muslim. Hein? Ensuite, le shaykh il dit, هذه دلالة الكتاب والسنة على علو الله. أما دلالة الإجماع فما أحد من السلف الصحابة والتابعين وأئمة الأمة بعدهم ما قال منهم أحد إن الله تعالى ليس في السماء أبدا وكونهم يقرؤون هذه النصوص ولا يعارضونها ولا يفسرونها بما ينافيها يدل على أنهم قالوا بها وأن هذه عقيدتهم فيكون في هذا إجماع من السلف على أن الله تعالى عالم بذاته وطريق إثبات الإجماع بهذا الوجه يعتبر من أحسن ما يكون. Donc le cheikh il dit vous pouvez prendre la chaise, pas de problème. Ah, ok. Le cheikh il dit, en ce qui concerne les preuves, donc maintenant on a mentionné les preuves du Coran et on a mentionné les preuves de la Sunna. En ce qui concerne les preuves du consensus, le consensus c'est quoi? C'est les choses sur lesquelles tous les sahaba et les salafs, les premières générations, ils étaient tous d'accord. Tous les sahaba étaient tous d'accord là-dessus. On appelle ça en arabe ijma. Ijma, ça veut dire tout le monde est d'accord là-dessus. Hein? C'est un consensus. Donc, il dit, en ce qui concerne la preuve de l'ijma, parce que l'ijma dans la charia, c'est considéré comme une preuve. Hein? C'est considéré comme une preuve du Coran et de la Sunna, dans le sens que c'est une preuve dans la charia. Ça compte comme une preuve. C'est valable comme une preuve. Un dalil. Hein? Donc, en ce qui concerne les preuves de l'ijma', il dit qu'il n'y a aucun d'entre les salafs, parmi les sahaba et les tabi'in et les imams de la umma, après eux, après les sahaba et les tabi'in, il n'y en a aucun d'entre eux qui a dit que Allah n'est pas dans les cieux ou au-dessus de sa création. Jamais. Et donc, le fait qu'ils sont tous d'accord avec les textes, les hadiths et les versets de Coran et les hadiths, qui mentionne que Allah est au-dessus de sa création, hein, et qu'il n'y en a pas un d'entre eux qui vient pour contredire ces versets-là ou interpréter ces versets d'une manière qui contredit leur signification, ça c'est une preuve qu'ils sont tous d'accord avec ce qui est mentionné dans ces versets-là. Parce que si c'était le cas qu'est-ce que disent par exemple les négateurs des attributs, les sectes comme les Jahmiyyah, les Mu'tazila, les Asha'ira et les Maturidiyah, eux, ils refusent d'affirmer les attributs d'Allah. Ils refusent d'affirmer ces attributs-là. Alors, ils disent, non, ces versets-là, ça ne veut pas dire ça. Quand Allah dit qu'il est au-dessus de sa création, ça ne veut pas dire qu'il est au-dessus. Ça veut dire qu'il est élevé dans sa force, dans sa grandeur, pas qu'il est élevé par son être. Hein? Et nous, on dit, si ce que vous dites est vrai, pourquoi dans ce cas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas expliqué ça aux sahaba? Pourquoi il leur a pas dit, hein, que lorsqu'il mentionne un attribut, quand il mentionne que Allah est au-dessus de sa création, au-dessus de son trône, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit pas aux sahaba, croyez pas que qu'est-ce que Allah a dit, c'est dans ce sens-là. Ça veut pas dire ça, ça veut dire autre chose. Pourquoi il l'a jamais expliqué comme ça? Pourquoi il a jamais dit, Et même les sahaba, ils n'ont jamais interprété ça de cette manière. Ils n'ont jamais nié la réalité de ces attributs-là telles qu'elles sont. Ils les ont acceptées telles qu'elles. Ils ne les ont jamais déformées de leur sens. Jusqu'à ce que ces gens d'égarement-là, après avoir été influencés par les philosophes et les autres croyances des religions d'égarement et de shirk et de kufr, ils ont été influencés par cela, alors ils ont commencé à vouloir déformer le sens des versets et des hadiths pour que ça soit en accord avec leurs fausses idées. Donc, le cheikh il dit, le fait que les sahaba et les tabi'in et tous les imams parmi les imams de la sunna, ils ont accepté ces textes du Coran et de la sunna, ils ne les ont jamais opposés, ils ne s'y sont jamais objectés, ils ne les ont jamais interprétés d'une manière qui vient contredire leur sens apparent. Ça c'est la preuve qu'ils sont d'accord avec cette position-là et que ça c'est leur croyance profonde, leur aqidah. Et ça c'est suffisant comme preuve du consensus des salafs sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de sa création par son être. Et il dit que cette façon d'affirmer le consensus de cette manière, c'est une des meilleures façons possibles pour établir une preuve dans la sharia. Il dit فَلَوْ قَالَ قَائِلْ أَرُونَ حَرْفًا وَاحِدًا عَنِ الصَّحَابَ وَالتَّابِعِينَ أَنَّهُمْ أَثْبَتُوا علو الله بذاته نقول لا حاجة إلى النقل فهم يقرؤون القرآن ويسمعون السنة ولا أحد منهم قال إن الله ليس فوق سماواته وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل آثار السلف ما فيها أثر واحد عن السلف يقول إن الله ليس فوق السماء وحينئذ يكونون مجمعين على مقتضى هذه الأدلة وهو أن الله بذاته في السماء. Donc le cheikh il dit, si quelqu'un disait montrez-moi une seule lettre, une seule parole des sahaba ou des tabi'in dans lesquelles ils ont affirmé que Allah est au-dessus de sa création, au-dessus de toute chose par son être et sa personne, nous disons, nous n'avons pas besoin de ce genre de texte ou de ce genre de parole de la part des salafs, parce que les salafs récitaient le Coran et ils entendaient les hadiths, et aucun d'entre eux n'a jamais dit Allah n'est pas au-dessus des cieux. Comme Ibn Taymiyyah il l'a mentionné dans Majmu' al-Fatawa, le volume 6 à la page 578, il dit toutes les narrations des salafs, dans toutes les narrations des salafs, il n'y en a pas une seule dans laquelle il serait mentionné que Allah ne serait pas au-dessus des cieux. Il n'y en a pas une seule parmi toutes les narrations et les paroles des salafs dans lesquelles un d'entre eux aurait dit Allah n'est pas au-dessus des cieux. Et donc à ce moment-là, on peut affirmer clairement qu'ils sont tous d'accord sur ce qu'impliquent les textes du Coran et de la Sunna à ce sujet-là, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création par sa personne et par son être. Bidhatihi. Amma al-aql, en ce qui concerne les preuves rationnelles à ce sujet, le Cheikh il dit wa amma al-aql fa yuqal madha naqulu madha taqulu ayyuha al-munkir li'uluwillah hal al-ulu sifatu kamal أم صفة نقص هل العلو صفة كمال أو صفة نقص فسيقول صفة كمال فكل يعرف أن العلو صفة كمال فإذا كان صفة كمال فهل الرب موصوف بالكمال فسيقول نعم ففي الأصل هو لم ينكر علو الله بذاته إلا طلبا للكمال كما يدعي إذن ثبت له صفات العلو لأن العلو صفة كمال بإجماع العقلاء. Donc le cheikh il utilise un raisonnement rationnel pour établir que Allah subhanahu wa ta'ala il faut affirmer qu'il est au-dessus de sa création, et c'est un raisonnement assez clair et assez simple. C'est-à-dire que le cheikh, il dit, ماذا تقول أيها المنكر؟ Il dit, ô toi qui nie le fait que Allah est au-dessus de sa création, est-ce que tu considères que l'attribut de l'élévation, que Allah est au-dessus de tout, est-ce que ça c'est un attribut de perfection ou c'est un défaut d'être au-dessus de tout, hein, et élevé? Est-ce que ça c'est une perfection ou un défaut? Et il va dire, c'est une perfection. Hein, il ne peut pas dire le contraire. Et après il dit, donc, il dit, tout le monde sait que le fait que Allah soit élevé, ça c'est un attribut de perfection. Donc si tu es d'accord pour dire que c'est un attribut de perfection, alors est-ce que tu es d'accord pour dire que Allah, toutes ses caractéristiques et toutes ses qualités et ses attributs sont des attributs de perfection et qu'on ne le décrit que par la perfection? Il va dire oui. Alors il dit donc, à la base, ça veut dire que tu ne peux pas nier que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de sa création par son être, puisque toi tu recherches la perfection pour Allah, hein, et que tu prétends vouloir la perfection pour Allah. Donc, dans ce cas-là, on a affirmé que l'attribut de l'élévation et que Allah est au-dessus de sa création, c'est un attribut de perfection selon toute personne intelligente. Hein? Et tous les gens intelligents sont d'accord là-dessus. Personne ne peut dire le contraire. Donc ça c'est un exemple parmi les arguments que le cheikh a mentionné sur les preuves rationnelles. Et il y en a d'autres encore. Et le cheikh il dit « Wa amma al-fitra » Hein, et on sait que déjà, il faut comprendre une chose, c'est que les preuves du Coran et les preuves de la Sunna et les preuves de l'Ijma sont claires déjà. Les preuves de la raison, c'est seulement pour rajouter, hein, pour confirmer encore plus, mais sinon les choses sont déjà établies. Et il dit, en ce qui concerne les preuves de la fitra, hein, également, il y a des preuves même dans la fitra. La fitra, c'est quoi? C'est la nature. La nature saine de l'homme sur laquelle Allah a créé tous les êtres humains, c'est qu'est-ce qu'il a en lui-même instinctivement, qu'est-ce qu'il croit en lui-même instinctivement, hein, comme étant la vérité, c'est-à-dire l'unicité d'Allah, le tawhid, la foi en Allah, hein. Il donne des preuves à ce sujet-là. Il dit amma al-fitra fatajidu al-ajuz allati lam tadrus al-aqida al-wasitiyya wala aqida al-tahawi wala al-ibana ولا غيرها إذا دعت ربها عز وجل تقول يا رب وتشير إلى فوق وهذا دليل فطري لا يحتاج إلى تدريس ولا تعليم ولا إلى تعليم. Donc le cheikh dit, en ce qui concerne l'épreuve de la fitra, c'est que la personne, hein, une personne âgée qui n'a jamais étudié la aqida, elle n'a jamais fait de cours sur l'aqida al-wasitiya, elle n'a jamais fait de cours sur l'aqida al-tahawi ou al-ibana. Tous ces livres-là, elle ne connaît pas, elle ne les a jamais entendus, elle ne les a jamais étudiés. Mais quand elle fait des du'as et qu'elle invoque Allah, hein, elle met ses mains vers le ciel et elle invoque Allah. Pourquoi elle met ses mains vers le ciel, hein? Pourquoi elle indique vers le haut? Parce que ça, c'est une chose qui est fitri, c'est une chose qui est naturelle en l'homme. Et ça ne nécessite pas d'avoir étudié, d'avoir appris plein de livres, hein, et des enseignements. Non, c'est naturel. Il dit ولهذا لما كان أبو المعالي الجويني عفى الله عنا وعنه يقرر أن الله لم يستوي على العرش فأنكر استواء الله على العرش لأنه من الأشعرية ولكنه إن شاء الله رجع. إن شاء الله رجع وقال له أبو جعفر الهمذاني يا أستاذ دعنا من ذكر العرش والاستواء على العرش ما تقول في هذه الفطرة ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو عارف يعني عابد فجعل يضرب على رأسه ويقول حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني ومعناها ليس عندي جواب على هذا فكل إنسان يقول يا الله حتى الذي ينكر علو الله يتجه قلبه إلى السماء. Donc un autre exemple ici, il mentionne un débat qu'il y a, une discussion qu'il y a eu entre Abu al-Ma'ali al-Juwayni et Abu Ja'far al-Hamadani. Abu al-Ma'ali al-Juwayni, c'est un Ash'ari, il fait partie de la secte des Asha'ira. Hein, que Allah le pardonne et nous pardonne aussi. Et lui, qu'est-ce qu'il disait? Il dit dans sa croyance, parce qu'il est Ash'ari, il nie les attributs d'Allah. Donc il dit, Allah ne s'est pas élevé au-dessus de son trône. Il nie que Allah est au-dessus de son trône. Parce qu'il est Ash'ari. La secte des Ash'ari, ils affirment, ils refusent d'accepter que... Eh ben, c'est parce que... C'est triste, mais c'est parce que ces gens-là, ils ont des shubuhat comme ça. Hein. يقولون الاستواء بمعنى الاستيلاء il déforme le sens, il change la signification du verbe pour lui donner une autre signification, et tout ça c'est à cause de la philosophie, hein? Allah al-musta'an. Donc il dit, qu'est-ce qu'il dit le cheikh, il dit que il refuse d'affirmer que Allah est au-dessus de son trône. Alors le cheikh dit, Inch'Allah, il est revenu parce que certains ulama disent qu'avant sa mort, il s'est repenti. Il est revenu sur cette position-là. Il a affirmé les attributs à la fin de sa vie. Hein, na'am. Donc, il y a un des ulama, Abu Ja'far al-Hamadani, il s'est assis avec lui, puis lui a dit, Ya Oustad, on va pas mentionner maintenant l'arsh ou l'istiwa, al-arsh ou ces choses-là. On va mettre ça de côté pour le moment. Discutons sur des choses qui ont rapport avec la fitra. Il dit, lorsqu'un adorateur, il invoque et il dit, Ya Allah, n'est-ce pas que dans son cœur, il ressent un besoin, une nécessité de se tourner vers le haut? Hein? Donc, qu'est-ce qu'il a dit à Al-Juwayni? Il a commencé à frapper sa tête. Il a dit, Al-Hamadani m'a mis dans la confusion. Al-Hamadani m'a mis dans la confusion. Hein? Il lui a posé il lui a donné un argument, et ça veut dire, Yanni, j'ai pas de réponse pour ça. Je suis pas capable de lui répondre là-dessus, parce que ça y est. Il m'a mentionné une preuve. Je suis pas capable de répondre à ça. Hein? C'est le fait que chacun d'entre nous, quand on évoque Allah, on est instinctivement poussé vers le haut et de vers le ciel. Hein? Il dit, wa fi marratin min al marrat kunna yawm al eid. في منى فجاءنا طائفة من الإخوان ولا أحب أن أذكر نسبتهم يعني وجاءوا وهم طلبة علم وكنت لا أعرف لغتهم فجاءني بعض الإخوة من السعوديين وقال إن الإخوان حضروا وأحب أن نتكلم أن تتكلم في شيء من العقيدة لا سيما في العلو قلت خيرا إن شاء الله فحضرنا وتكلمنا بأشياء ليست من العقيدة تأنيسا لهم وتأليفا لهم لأنك لو باشرتهم بالكلام في العقيدة لنفروا وقالوا هذا جاءنا يصحح عقيدتنا فكلمناهم بما تيسر ثم انتقلنا إلى ذكر العلو وبدأت أقول لهم مثل ما قلت لكم إن العلو دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة فبدأوا يتراطنون بعضهم وقف فقلت في نفسي هل وقفوا إجلالا وإعظاما لهذا المعنى أم يريدون أن يقتلوني فلا أدري المهم قاموا يتراطنون جدا ويرد بعضهم إلى بعض فأمسكت من الكلام أخشى من الفتنة وهدأتهم وقلت المقصود الوصول إلى الحق وهكذا فقلت لهم بالأمس كنتم بعرفة تدعون الله عز وجل فكيف ترفعون أيديكم عند الدعاء قالوا نقول هكذا برفع أيديهم إلى السماء فقلت توجهون الخطاب لمن قالوا لله فقلت كيف لله توجهون الخطاب إلى من ها ليس الله توجهون الخطاب إلى من ليس الله إلى من ليس الله فيه يعني قالوا لأن السماء قبلة الداعي فقلت إذن إذا كانت السماء قبلة الداعي فلا بد أن يستقبل القبلة بجميع بدنه وعلى هذا فلا تدعوا الله إلا وأنتم على ظهوركم مستقبلين على ظهوركم حتى يكون البدن كله موجها إلى القبلة وهذا كلام سخيف نسأل الله العافية ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور والله لو ترك هؤلاء وفطرتهم ما ضلوا عن سواء السبيل في مسألة العلو أبدا وعلى كل حال هذه أدلة خمسة على علو الله بذاته فوق سماواته ولا بأس بهذا البسط في هذا الأمر فربما تجدون من يجادلكم donc le cheikh il dit et il raconte une histoire en fait c'était un peu long hein bon maintenant votre patience sera récompensée vous allez entendre l'histoire en français en fait il dit qu'une fois on était le jour de Eid on était à Mina hein, pendant le après les jours du Hajj et un groupe de frères il dit je veux pas dire à quel groupe ils appartenaient je ne veux pas dire leur nom. C'est des gens qui cherchent la science. Je ne connaissais pas leur langue. Et certains parmi les frères d'origine saoudienne sont venus me voir et m'ont dit, il y a des frères qui sont venus et on aimerait que vous leur parliez au sujet de la croyance, en particulier à propos du fait que Allah est au-dessus de sa création. Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit, d'accord, Inch'Allah, je vais leur parler. Alors on est allé les voir et on leur a mentionné des choses. Il dit, au début, j'ai pas parlé avec eux d'Aqida pour les rapprocher, parce que si directement j'avais commencé à parler d'Aqida, peut-être qu'ils seraient partis, tu vois. Alors il dit, j'ai parlé avec eux de d'autres choses, pour pas qu'ils disent, lui, il vient pour nous corriger dans notre Aqida. Alors il dit, je leur ai parlé des choses, qu'est-ce que j'ai trouvé facile, je leur ai mentionné. Puis, on est passé à la mention d'un autre sujet, on a parlé du fait que Allah est au-dessus de sa création. Et il dit, j'ai commencé à leur dire ce que je vous ai dit. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sa création et que ça c'est prouvé par le Coran, par la Sunna, par l'Ijma', par la raison et par la fitra. Et quand j'ai commencé à leur parler, ils commençaient à s'énerver. Il y en a qui se sont levés. Il dit, je me suis dit à moi-même, est-ce qu'ils se sont levés par respect pour cette signification ? Le fait qu'Allah est au-dessus de son trône, au-dessus de sa création et tout, est-ce que c'est par respect pour ça qu'ils se sont levés? Ou bien ils veulent me tuer? Il dit, je ne sais pas. Il dit, l'important c'est qu'ils commençaient à s'énerver beaucoup, puis ils se parlaient les uns les autres. Alors il dit, j'ai arrêté de parler parce que je ne voulais pas faire de la fitna, puis je voulais les calmer. Alors, il dit, le but c'est que, je leur ai dit, le but c'est d'arriver à la vérité, de comprendre la vérité, n'est-ce pas? Alors il dit, je leur ai dit, hier vous étiez à Arafat, aujourd'hui vous êtes à Mina, hier vous étiez à Arafat et vous faisiez des doigts. Comment vous faisiez votre doigt Comment vous faisiez votre doigt à Allah? N'est-ce pas que vous leviez vos mains pour faire le doigt? Ils ont dit, oui. Il dit, montrez-moi. Ils ont montré qu'ils ont levé leurs mains pour faire le doigt vers le ciel. Alors il dit, à qui vous adressiez la parole dans votre doua? Ils ont dit, à Allah. Et là, il dit, je leur ai dit, mais comment à Allah? Vous dites que Allah il n'est pas dans les cieux, il n'est pas au-dessus. Alors ils ont dit, non, mais ça c'est parce que le ciel c'est la qibla pour les doua, c'est la qibla c'est le ciel. La direction pour le doua c'est le ciel. C'est pas parce que Allah est dans les cieux. Ou au-dessus de sa création. C'est juste parce que c'est ça la qibla pour le doigt. Et le cheikh, il leur a dit, si dans ce cas-là, la qibla pour vous, c'est le ciel. Pourquoi vous tournez seulement vos mains? Pourquoi quand vous faites le doigt, vous ne vous mettez pas sur votre dos pour que tout votre corps soit en direction du ciel? Il dit ça, c'est une parole. C'est vrai que c'est une parole vraiment bizarre, mais il dit celui à qui Allah n'a pas donné de lumière, alors il n'a pas de lumière. Hein? Et il dit donc si ces gens-là, ils s'étaient juste arrêtés à comprendre les choses juste en se basant sur leur fitra, ils ne se seraient pas égarés du droit chemin à propos du fait que Allah est au-dessus de sa création. Donc, de façon générale, tout ça c'est pour dire que parmi les 5 preuves qu'on a mentionnées, les preuves du Coran, les preuves de la Sunna, les preuves de l'Ijma', les preuves de la raison et les preuves de la fitra, tout ça c'est établi pour montrer que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sa création, au-dessus des cieux, par son être. Et il dit, il n'y a pas de mal d'avoir élaboré plus dans cette question-là. Il dit peut-être qu'un jour vous allez rencontrer quelqu'un qui va vouloir argumenter avec vous ou discuter avec vous là-dessus. Comme ça, vous avez plus d'arguments et vous savez comment répondre. Hein? Et l'imam Ibn al-Qayyim, il a mentionné dans son livre As-Sawa'iq al-Mursala. Vraiment, il est rentré vraiment profondément dans cette réfutation-là. Il a clarifié ces choses-là de façon vraiment condensée et vraiment détaillée. Hein? Et son poème An-Nuniya. Et dedans, il dit que ces gens-là, ils n'ont pas le choix de dire une des deux choses suivantes. Hein? Soit qu'ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala, il est... Hein, que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé la création, quand Allah a créé le monde, parce qu'au début il n'y avait rien, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'avait rien avant qu'il crée quoi que ce soit, hein, c'était le néant, il n'y avait rien. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a créé la création, ok, quand il a créé la création, est-ce qu'il a créé en l'intérieur de lui-même ou à l'extérieur de lui-même? C'est un des deux, tu n'as pas d'autre possibilité. Alors, tu dis ça à n'importe quel parmi les Ahbash ou les Asha'ira ou tous ces gens-là, tu leur poses cette question. Tu leur dis, quand Allah a créé la création, il a créé en lui-même ou à l'extérieur de lui-même? S'ils disent en lui-même, ils sont des kuffars. Parce qu'il n'y a rien qui est créé en Allah. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas créé, il n'y a rien de créé en lui. Puis s'ils disent qu'il a créé à l'extérieur de lui, ça c'est la position de vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sa création. Et Allah subhanahu wa ta'ala, même Abdullah ibn Abbas, il dit, les cieux et la terre et tout l'univers et tout ce qui existe, c'est comme un grain de sable dans notre main, comparé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans Sourate Az-Zumar, il dit, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يشركون. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas estimé Allah comme il le mérite. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'au jour de la résurrection, hein, il va faire de la terre une poignée de... Il va mettre, c'est-à-dire il va prendre... وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ. Il va en faire une poignée au jour de la résurrection. Et il va plier les cieux dans sa main. Donc ça veut dire que, dans sa main droite, donc ça veut dire que tout ça c'est petit pour Allah. Toute cette création là c'est petit pour Allah. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé ça. Et donc eux aussi ils pensent, hein, s'ils pensent qu'on ne peut pas dire que Allah, hein, il est au-dessus de sa création, parce qu'il y en a qui rentrent avec la philosophie. Ils commencent à philosopher là-dessus. Ils disent, ah mais toi tu dis que Dieu est dans un espace, ou tu dis que Dieu est dans une direction. Et c'est Allah qui a créé l'espace, c'est Allah qui a créé la direction. Donc, ils veulent tourner, ils veulent jouer avec ces idées-là. Et nous, on ne rentre pas dans ces jeux-là. Nous, on dit, on affirme ce qu'Allah a affirmé. Si Allah, il a dit quelque chose, on le dit. S'il ne l'a pas dit, on ne le dit pas. Il a dit qu'il est au-dessus de sa création. Il a dit qu'il est élevé au-dessus de son trône. Il a dit qu'il est élevé au-dessus de sa création. On le dit. Mais est-ce qu'il est dans un endroit? Est-ce qu'il est dans un espace? est-ce qu'il est dans une direction? Ce qu'il n'a pas dit, on ne le dit pas. On n'a pas, et on ne le nie pas non plus. Hein? Ce qu'il n'a pas nié, on ne le nie pas non plus. S'il n'a pas nié, on ne le nie pas non plus. Hein? Et Ibn Taymiyyah, elle dit, si il nie quelque chose, on regarde qu'est-ce qu'ils veulent dire. Quand ils disent, par exemple, ils disent, Allah n'est pas dans un endroit. Tu dis, qu'est-ce que tu veux dire par le fait qu'il soit dans un endroit? Est-ce que tu veux dire que Allah est au-dessus de son trône? Si tu dis que ça veut dire que Allah est au-dessus de son trône, ben si tu nies ça, ça c'est en réalité que tu nies ce qui est mentionné dans le Coran. Parce que Allah, dans le Coran, il dit qu'il est au-dessus de son trône. Donc si tu dis qu'il n'est pas au-dessus de son trône, ça c'est du kufr. Hein? Mais si tu dis Allah n'est pas dans un endroit en voulant dire que Allah n'est pas encerclé ou cerné par sa création, alors dans ce cas-là, tu dis oui, ça c'est vrai, Allah, c'est lui qui cerne sa création, qui enveloppe sa création. Hein? C'est pas le contraire. Hein? Donc ça c'est des exemples. Hein? C'est des exemples. Comment les ulama ont réfuté ces idéologies-là et ces paroles-là. Et le cheikh il dit وَإِنَّهُمْ يُرِدُونَ عَلَى هَذَا إِشْكَالًا. Bon, on a quand même mentionné beaucoup de choses aujourd'hui. Je pense, attends, 7h30. Oui, on va s'arrêter ici, puis on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. Mais si tout était clair, je pense que vous avez bien compris le sujet aujourd'hui. Ça, c'est un sujet, c'est vraiment important de bien le comprendre parce que c'est un sujet qui revient souvent et c'est un sujet que beaucoup de gens, malheureusement, ont mal compris. L'autre fois, je regardais dans un tafsir et tu vois que quand il mentionne le verset Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, hein, que Allah est au-dessus de son trône, l'auteur de ce tafsir, il écrit, au lieu d'écrire, d'affirmer que Allah est au-dessus de son trône et tout, il commence à interpréter ça puis dire non, ça ne veut pas dire qu'il est au-dessus de son trône, ça veut dire seulement que yani, il a pris le pouvoir du trône et il a conquis le trône et des choses de ce genre. Donc il faut faire attention, c'est pas tous les livres de tafsir que ça veut dire que c'est automatiquement un livre de tafsir qui est correct. Ce que Allah a affirmé, on l'affirme. Ce que Allah a nié, on le nie. Mais ce qu'il n'a ni nié ni affirmé, alors on le nie pas et on l'affirme pas. D'accord? Ça c'est très important. Parce que eux, ces gens-là, ils amènent des termes que les ulama appellent mujmal. Hein? Des termes qui sont mujmal. Qu'est-ce que ça veut dire mujmal? C'est des termes qui sont pas clairs. On sait pas qu'est-ce qu'ils veulent dire réellement. Parce qu'ils ne sont pas mentionnés dans la révélation. Donc, quand on a un terme qu'on ne connaît pas, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Hein? Si je te dis, par exemple, je te donne un exemple, ok? Si je te donne un mot dans une langue que tu ne connais pas, que tu n'as jamais entendu. Ou bien, je vais essayer de trouver un exemple qui n'est pas relié à la question des noms et des attributs d'Allah, qui n'est pas relié à la religion, quelque chose qui a rapport avec la philosophie, par exemple, ou des idéologies comme ça. Si je te dis, par exemple, est-ce que tu es un existentialiste? Hein? Est-ce que tu peux me dire que tu es un existentialiste ou non? Si je te demande, est-ce que tu es existentialiste, est-ce que tu vas dire oui ou est-ce que tu vas dire non? Ou bien tu vas dire, je ne sais pas. Ben tu vois, tu ne sais pas c'est quoi. Donc si tu ne sais pas qu'est-ce que c'est, comment tu peux l'affirmer ou le nier? Peut-être que ça veut dire quelque chose qui est vrai, peut-être que ça veut dire quelque chose qui est faux. Donc qu'est-ce que tu fais dans cette situation-là? Tu dis rien. Tu dis, je ne sais pas. Tralas. Hein? Donc, ça c'est dans toute chose. Hein? Si je te dis un mot, par exemple, je sais pas moi, j'essaie de penser à un mot dans une langue là, que quelqu'un connaît pas. Euh, En tout cas, c'est pas grave de même si je donne pas d'exemple spécifique, mais c'est juste, vous avez compris le principe, ok? C'est que si tu sais pas quelque chose, tu sais pas un mot qu'est-ce qu'il veut dire, tu l'affirmes pas, tu le nies pas. Et quand il y a des termes qui sont employés par rapport à Allah, et ces termes-là, Allah les a pas utilisés lui-même, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a pas non plus utilisés. Et toi, tu rencontres quelqu'un, puis il rentre avec des exemples et des propos qui sont pas mentionnés dans le Coran, qui sont pas mentionnés dans la Sunna. Puis après, il te dit, tu peux pas dire ça à propos d'Allah, tu peux dire ça à propos d'Allah, et il te mentionne aucune preuve. Et il ramène des choses de sa propre tête. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu dis à cette personne? Tu dis, écoute, moi ce qui est dans le Coran, je l'affirme, hein, et ce qui est nié dans le Coran, dans la Sunna, je le nie. Ce qui est affirmé dans le Coran, dans la Sunna, je l'affirme. Ce qui est nié dans le Coran, dans la Sunna, je le nie. Qu'est-ce qui est en dehors de ça? Je ne l'affirme pas, je ne vais pas le nier. Mais je te dis, qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire quoi? Si tu m'expliques qu'est-ce que ça veut dire et que c'est en accord avec le Coran et la Sunna, j'affirme la signification. Mais je rejette l'expression. Je rejette l'expression parce qu'elle ne fait pas partie de la révélation. Mais la signification est bonne. Toutefois, si la signification est mauvaise, contraire au Coran et à la Sunna, je rejette l'expression et la signification. C'est clair? Non. Donc c'est aussi simple que ça en fait. Et si on comprend bien cette règle et ce principe, alhamdoulilah, on ne va pas s'égarer dans ces questions de nom et des attributs. Ok, donc on s'arrête là-dessus pour aujourd'hui. On va maintenant passer à notre autre cours. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين